Kosmický kazeta. Certains la voient comme un objet vintage et avant tout comme une image persistante de la cool attitude. Qu'on aime arborer sur son t-shirt ou même habiller son téléphone avec, mais sans même songer qu'elles peuvent s'écouter. D'autres, comme un support obsolète, fait de mauvais plastique et totalement opposé à toute idée de haute fidélité. D'autres encore, comme un outil, puisqu'ils n'ont jamais cessé d'utiliser leurs 4 pistes en concert ou qui se sont découverts la passion du scratch cassette sur le tard. Ou comme un moyen économique et non moins charmant de promouvoir le son. Puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est encore le moyen le moins cher de duplication qui supporte les années pourvu qu'on n'ait pas jeté le Technics de papa et maman pour s'acheter une PSP. Quoi qu'il en soit, il y a ceux qui refusent d'y croire et ceux qui n'ont que faire de la bouteille pourvu qu'ils aient l'ivresse. Et ceux qui suivent éberlués l'effervescence d'un engouement mondial, de musique riche et indépendante, en étroit lien avec les moyens de communication modernes. Ceux qui aiment les objets faits avec amour, qui aiment regarder les tranches sur leurs étagères. Pour eux, je dédie cette émission de radio sur Internet dédiée aux cassettes audio. This is a cosmic cassette and is for use only on a cosmic unit. Playing this cassette on a hi-fi or other audio equipment can cause serious damage to its speakers. Please stop cosmic cassette now. On vient d'écouter à l'instant Folk Catalog avec le morceau Karoten, publié chez Infinite Waves au Danemark en 2014. Le nom de la cassette s'appelle Blue Sunset. Tout de suite, c'est BR202. Chez Stomoxin Records en 2013, un label de Pau et de Toulouse. comme fait Ikea, tu vois, avec des mises en scène, genre chalet chaleureux. Et donc voilà. Et il y avait un ascenseur, un grand ascenseur. Et c'était l'ascenseur publicitaire. À chaque fois qu'il descendait et qu'il s'ouvrait, il y avait une nouvelle vue devant nous, avec des gens réels qui jouaient une scène. Et donc à ce moment-là, l'ascenseur descend et il saute. Et là, il y a une femme allongée par terre, en manteau gris. Et elle avait des gants rouges. Et elle les agitait comme ça à l'extérieur de l'ascenseur. Donc je me suis dit que c'était une publicité pour des gants, sûrement. Et ensuite, regarde son visage, elle lève sa tête et là elle se met à vomir des steaks, des gros steaks en forme de U, comme quand on retrousse la langue à l'intérieur. Donc elle prend sa gueule et elle vomit un gros steak. Elle ferme la bouche et puis elle la réouvre et elle revomit un steak un peu plus petit qui peut s'emboîter dans le plus grand cabinet de l'oublier. Et ensuite elle en troisième, et puis un quatrième, et la porte de l'ascenseur se referme. L'ascenseur remonte, l'ascenseur redescend, il s'ouvre, et là c'est une publicité pour une banque. Et c'est des gens, que des hommes, des gros hommes qui transpirent, qui se sentent mauvais, je suppose. Enfin, pas très alléchant. Et ils rigolent très grassement. Je les entends dire que c'est une démarche publicitaire, voilà, de rigoler comme ça pour attirer les gens. Et l'ascenseur se referme, il remonte, et là je me retrouve dans une vallée, et c'est l'automne, et il y a de très belles couleurs. Il y a des feuilles jaunes, oranges, violette, et c'est très très beau, c'est plein de couleurs. Ensuite, je me retrouve dans une cuisine avec des femmes un peu bourgeoises, et il y en a une qui me demande, mais t'as déjà goûté les insectes? Je dis, les insectes, non, j'ai jamais goûté. Ah, mais on va te faire goûter. Donc elle sort un petit bocal, genre bocal de faillot, avec une espèce de mixture blanche à l'intérieur, et qu'elle déverse dans une assiette avec un bruit dégueulasse, genre bruit glissant. Et donc la bourgeoise en face de moi se met à manger la mixture dans son assiette. Elle dit, c'est très très bon, tiens, goûte. Elle me passe l'assiette et là, je peux voir dans le, à côté de la mixture, un scarabée gros qui fait à peu près 3 cm de long. Donc je suis un peu débectée, mais bon, j'y vais pour pas perdre la face devant ces femmes. Et donc je mets à ma bouche une cuillerée de faillot insecte et il se trouve que c'est très bon. Alors je leur dis, c'est très bon. Et puis ensuite, je prends une deuxième bouchée, et là, j'entends craquer sous ma dent, alors ça me dégoûte, et je recrache dans l'assiette. Et en fait, il y a le scarabée qui était venu dans ma bouche, et il y a la tête d'un côté et la tête de l'autre côté. Voilà, je l'ai décapité avec mes dents. Et après, je m'en souviens plus. C'était le rêve de Gaël Lott, enregistré en 2011 au petit matin. Et maintenant, on va écouter Colin Fisher avec le titre Libération, et publié chez Healing Power Records au Canada en 2013 sur la cassette Original Face. ce que j'ai fait, ça, après, tu conduis de l'autre, tu vois, là, on va tout de suite, si tu veux, on peut aller tout de suite quand on voit des trucs comme ça dans l'espace. Il faudrait construire ça dans l'espace. Mais là, en fait, j'écoutais une chanson et en fait, j'essayais de retranscrire, en fait, naturellement les notes. Tu vois, si on délire complètement. Non, si on délire complètement, mettons que tu es ça, si tu veux, dans un espace naturel. Ouais. Et quand on s'approche, que tu aies des choses qui soient sensibles et que tu arrives à donner une note. Comme une touche de piano. Ouais. Comme si on marche sur et quelqu'un qui passe devant, là, suivant s'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il arrive à jouer avec ça, simplement par son espace corporel. D'accord. Là, il faudrait mettre tout un système. Tout un système pour... Tu vois, un travail comme ça peut mener à des choses vachement intéressantes. Vous faites des sculptures interactives. Mais il faut vous donner le temps de la recherche, de base. Si vous n'avez pas une recherche, vous n'y arriverez pas. Mais lui, ça m'énerve. Que dalle, là, il fout trop de merde. Ça y est, là, c'est la tête. Thank you. Thank you. Vous êtes bien à l'écoute de Cosmic Cassette, l'émission fabriquée avec les cassettes. On écoute When Days Choke the Night avec la face nommée Nils Otto Gustaf Nordenskiöld. Alors c'est édité sur le label et pourtant ça avait bien commencé. Un label qui n'existe plus, qui était basé à Lille. Et cette cassette était sortie en 2010. C'était un split avec Tardigrade. Je vais vous laisser avec un titre, un vieux titre bien connu que j'ai retrouvé sur une cassette à moi que j'avais enregistré sur le disque vinyle de mon oncle, je crois. J'ai eu une mauvaise surprise. En fait c'était les Pink Floyd et en fait j'ai eu une mauvaise surprise, j'ai écouté la face A et j'avais réenregistré par-dessus Blink 182. Alors la honte quoi. Mais j'avais bien joué parce que en fait j'avais mis le disque sur les deux faces de la cassette. Donc le titre que je vais vous mettre est toujours sur cette petite cassette faite à la main. Et je vais vous passer tout de suite pour se quitter. To say Try the game yourself. Oh, yeah.